Le dimanche matin, après la grand-messe, Joe sortait sa 22, il mettait une balle extra longue dedans, s'accotait sur le poteau de la galerie et tentait de tuer des mouettes au milieu de la rivière sur les battures.